Hey, Mouret, va te mordre mon chien. Tu vois mon chien là? Il va te manger. Va-t'en, cours. Fais quelque chose, change de tête. Tout le monde te cherche et mon chien il peut pas te voir. Toujours vu comme une bête de foie. J'encaisse des fois les cuites en 24 heures. Je me baisse de foie. Je médite avec la peur. Ne teste pas le mal tu fais. Quand tu vois un truc qui cloche, la vérité tu nies et vis avec une boule dans la gorge. Prends pas la grande porte. Quand dans un espace les focus cachent. Tu m'entends mec, c'est que tu me vois. Non, moi je fais pas dans l'espionnage. On a grandi main dans la main, mais je partirai tout seul. Je ne crains plus de me perdre en chemin. Je vous laisse ma torche et ma boussole. Je passe solo sur un coup de tête. Les commerces filent des accouvets. Pendant que toutes ces talous peignent, je vous mets d'accord en un couplet. Faudrait plomber tous ceux qui ont créé les murs qui nous encadrent. Moi je suis tombé des nuits le jour où j'ai compris ma life. Un petit mouton qui compte sa thune et se croit libre dans une grande cage. Mate les infos, se voit la face torturée sous sa carapace. T'as jamais vu des pets de voix en 30 secondes, on presse de voix. Saigner nos, c'est le pas de sa glace. J'en pète la corde quand toi tu lâches. Né comme des chiens, on veut vivre comme des rois et mourir comme des hommes. Rêve de môme, maintenant fierté de bonhomme. Né comme des chiens, on veut vivre comme des rois et mourir comme des hommes. Bête de voix, bête de hommes comme des chiens. On veut vivre comme des rois et mourir comme des hommes. Rêve de môme, maintenant fierté. Bonhomme né comme des chiens, on veut vivre comme des rois et mourir comme des hommes. Bête de foire, bête de zone. T'as vraiment cru que j'étais une bête de foire et que j'allais croire tes conneries? Moi j'étais rodard depuis le départ, j'ai décelé ta bouffonnerie. Ramène ta tête, il va falloir que t'assumes les pailles. Toi t'es du genre à prendre en traite, bref tu n'es qu'un paille. On n'apprend pas un chien à sentir la merde arriver. H24 tes pieds sur le terrain, comment tu veux m'esquiver? Et ouais j'ai dû flair ma canage, t'es vraiment mal tombé. Je baraude avec un chlasse d'appareil, histoire de t'entailler. Cherche pas d'ici de secours mes loupards. Bloque les portes, j'peux pas te laisser filer. J'suis sale et de l'ancienne époque. Fous un pied dans la réalité, histoire que tu transpires. C'est ni syntaxe, nos. On est comme toi mais en pire. Fais-moi gollerie, ramène tes ploucs de bouc. Tu m'as tellement mis mort, bâtard, que j'sais même plus t'es d'où. Hop hop hop hop, tu vois le tutel là. T'auras pas le temps d'attraper le Covid. Né comme des chiens, on veut vivre comme des rois et mourir comme des hommes. Rêve de môme, maintenant fierté de bonhomme. Né comme des chiens, on veut vivre comme des rois et mourir comme des hommes. Bête de foi, bête de zone comme des chiens. On veut vivre comme des rois et mourir comme des hommes. Rêve de môme, maintenant fierté de bonhomme. Né comme des chiens, on veut